Alors, les cafés, restaurants et bistrots occupent une place non négligeable, quoique généralement invisibilisée, dans le militantisme politique. Servant de point de rendez-vous, ils peuvent tour à tour servir de local, de lieu de ralliement après une soirée bien remplie, d'espace de réunion politique, ou encore, en de rares occasions, de terrain d'affrontement, pas que verbal. La place qu'occupent ces lieux bien spécifiques font partie du quotidien des militants, en particulier, à en croire les sources, des gros bras chargés de coller les affiches, protéger les meetings et faire la claque. Les militants gaullistes ne font donc pas exception à cette règle. Qu'il s'agisse de se rassembler régulièrement dans le cadre de réunions partidaires, de prendre une collation ou se remémorer des souvenirs après avoir collé des affiches, de discuter, quitte à en venir aux mains, sur l'avenir de la famille politique, ou encore d'échanger des arguments frappants avec des adversaires politiques qu'ils pourraient croiser à l'accoutumée. Les gaullistes entretiennent un lien particulier avec ces espaces. Lieux de sociabilité militante, les cafés, restaurants et autres bistrots apparaissent régulièrement dans les sources qui ont été consultées. En effet, les archives militantes, les témoignages écrits oraux, les articles de presse et les rapports des renseignements généraux, qui constituent ici l'essentiel des sources mobilisées, indiquent régulièrement la présence de gaullistes dans les établissements de restauration et débits de boissons. Le plus souvent, ceux-ci apparaissent furtivement en arrière-plan. Pourtant, pour les militants, ces lieux ne sont pas anodins puisqu'ils sont empreints, souvent, d'une certaine affection. Il s'agit bien souvent de lieux qui sont tenus par des compagnons, voire des amis ou des membres de leur famille, des lieux qui deviennent traditionnels pour eux, auxquels ils sont accoutumés et qui leur deviennent familiers. D'activités somme toute banales en conspiration marginale, de braillerie en affrontement, comment les bistrots deviennent rapidement des lieux de sociabilité militante gaulliste incontournable entre la naissance de la 4ème République et la victoire des socialistes en 1981. Pour y répondre, je traiterai des bistrots comme une sociabilité militante, puis des établissements de restauration en tant qu'espace de rencontre parfois peu recommandable, enfin comme des bastions militants qu'il faut protéger aussi bien d'adversaires extérieurs qu'intérieurs à la famille politique. Et je m'excuse par avance pour la pauvreté iconographique, les sources sont très généreuses sur le plan textuel, pas sur le plan iconographique. Bien qu'il existât des locaux, de nombreuses réunions avaient lieu régulièrement au début de la 4ème République dans des bistrots de village, peu coûteux et souvent tenus par des adhérents ou des sympathisants gaullistes. Pour exemple, Jean Buil, ancien de la marine de 24 ans, fonde le RPF ariégeois le 3 juillet 1947 au Café du Rocher à Foix par un sympathisant, qui en est le tenancier, sympathisant qui va devenir adhérent lorsqu'il voit l'aspect juteux de l'affaire. À Toulouse, les réunions des RJF se tiennent au bar Mon Café, que vous avez au tableau plus moderne, jusqu'à leur dissolution en 1955, c'est le lieu de rendez-vous mensuel. À Lille, les réunions militantes alternent entre le bar du président départemental du RPF et le restaurant du délégué départemental, tous les deux rivaux et cherchant à s'attirer les faveurs des militants. Les réunions partidaires continuent de se tenir dans le cadre convivial des bars et des restaurants sous la 5e, ce n'est donc pas une spécificité du RPF. Par exemple, à Bordeaux, le SAC, les CDR et les différentes appellations que prend le parti gaulliste, à l'époque, organisent la plupart de leurs réunions au restaurant du Grand Théâtre, tenu par Jacques Calès, responsable du SAC aquitain. Dans la capitale, les responsables de l'UJP rencontrent régulièrement Jacques Faucard au restaurant de la Légion d'honneur pour le tenir au courant de l'opinion des jeunes. Et à ce sujet, le témoignage d'Alain Villefaillot est assez intéressant puisqu'il compare Jacques Faucard à Don Corleone et les repas qu'il orchestrait à ceux d'un parrain bienveillant envers ces jeunes capots qui préparaient leurs méfaits. Dans l'ensemble, les responsables parisiens et franciliens gaullistes se réunissent plus souvent dans des bars qu'au siège de leur organisation, le Rapide et le Solferino étant particulièrement prisés dans les années 60 et jusqu'au début des années 70. Il s'agit donc d'une habitude largement répandue selon Jacques Godefrin dans ce type de pratique, puisque Godefrin déclare « Vous savez, il y a une image du sac qui ne correspond pas du tout à la réalité, ces réunions se passaient autour d'une table, on cassait la croûte. » Casser la croûte pour parler politique. Pour les gaullistes, les repas et les apéritifs sont l'occasion de commémorer et se remémorer le passé. Plus largement, les réunions sont des occasions de se retrouver entre amis, de discuter autant, si ce n'est plus selon les RG, des dernières nouvelles personnelles que de politique. Il s'agit d'une forme de sociabilité militante débonnaire au bistrot, où cadres et militants échangent entre alcool et plats copieux. Les témoignages de membres du RPF et du SAC sont édifiants à ce sujet. Jacques Faucard déclare que les gens venaient aux assemblées surtout pour avoir l'occasion de se retrouver, qu'elles étaient un prétexte. Émile Coutier, qui est un autre responsable, présente les repas comme des réunions de famille. Je le cite, « Nous étions avant tout un groupe d'amis et une famille. Or, qu'est-ce qui est le plus important dans une famille ? Est-ce un certain formalisme où la confiance et l'amitié régnant entre tous ses membres. Les bistrots accueillent souvent les anciens résistants et les militants les plus déterminés dans des repas et beuveries visant à se remémorer la gloire passée du gaullisme. C'est particulièrement le cas dans la seconde moitié des années 50, lorsque tout va mal pour l'RPF. Ces scènes se retrouvent par exemple dans le cas du Tarn-et-Garonne. Alors que la situation est catastrophique pour les gaullistes, une bande d'irréductibles, pour prendre l'expression des RG, se réunit régulièrement en dehors des instances officielles du RPF au Café de l'Industrie que vous avez au tableau. Il se trouve à Montauban. Ces gaullistes espèrent encore voir le général de Gaulle revenir au pouvoir et s'imaginent des tas de coups d'État autour d'un verre, généralement fortement alcoolisé, et il ne se passe jamais rien d'autre que des paroles en l'air. À Paris, des anciens du RPF se rassemblent dans leur bistrot préféré, tel que le Club des Vieux de la Vieille, qui se trouve dans le sous-sol du cabaret-restaurant Don Camillo, rue des Saint-Pierre à Paris. Ici, il s'agit encore une fois de discuter, de s'amuser entre soi. La politique est presque secondaire par moment. Si les bistrots sont des lieux de convivialité, ils sont aussi parfois des lieux de débats mouvementés. Cela peut passer par des échanges de mots plus ou moins durs. Par exemple, sur la 4ème République, Claude Dumont, qui a été un temps le garde du corps de Madame de Gaulle et le responsable du service d'ordre gaulliste, est furieux lorsque de Gaulle le met à la porte. Claude Dumont va au seul bar qui existe à Colombey, les deux églises, et va s'enivrer pendant plus de 4 heures pour exiger de voir de Gaulle et de parler à Tante Yvonne. Résultat, les gendarmes finissent par supplier de Gaulle d'aller le chercher, et de Gaulle accède à sa requête. C'est donc un Claude Dumont ivre et furieux, reçu par de Gaulle, qui se contente de lui donner un cigare en lui demandant d'obéir à son licenciement. Autre exemple, en mai 68, à Paris, Roger Abens s'emporte en apprenant que Pierre Lefranc prend la tête des CDR en juin 68. Selon Roger Abens, Pierre Lefranc est impopulaire, pas aimé des CDR, et ses membres n'osent pas se plaindre, alors qu'ils sont tous d'accord avec lui pour s'en plaindre. Résultat, tout le monde se met à boire et à insulter copieusement Pierre Lefranc et son entourage, au point qu'une bagarre éclate. Bagarre entre les pros et les anti-Lefranc. Les disputes peuvent aussi prendre des tournures encore plus violentes lorsque les mots sont accompagnés de vaisselle volante. Simple exemple, le 10 avril 1974, des gaullistes se rassemblent au Camillo, restaurant cabaret parisien, pour savoir quelle position adopter dans le cadre de l'élection présidentielle anticipée. Les militants se divisent rapidement en trois groupes. Un peu moins de la moitié soutient Jacques Chaban-Delmas, une minorité importante encourage la candidature de Pierre Messmer ou au moins celle d'un gaulliste dit authentique, et une poignée revendique le pragmatisme et dit qu'il faut soutenir dès le premier tour Valéry Giscard d'Estaing. Les désaccords sont tels que les injures s'enchaînent rapidement et une bagarre générale éclate où le public et le tenancier sont eux-mêmes pris dans le combat. Il y a des chaises qui sont brisées, la vaisselle aussi, les coups de poing s'enchaînent, on a 3 militants envoyés aux urgences et hospitalisés pendant plusieurs jours. Voilà, ça c'est le genre de convivialité un peu poussive qu'on peut retrouver aussi avec les militants. À force de rechercher dans les archives pour préparer ce colloque, je me suis rendu compte qu'en fait, dans les sources, biaisées, donc il faut les prendre avec précaution, il apparaîtrait fréquemment des relations étranges entre Restauration, Débile Boisson et gaulliste. En effet, du temps du RPF déjà, les sources semblent souligner que les cabarets, principalement les cabarets marseillais et aixois, rassemblent beaucoup les militants gaullistes et les mafieux, qui ont pour point commun d'avoir été d'anciens résistants. Ils se seraient même rencontrés durant leur lutte pour la libération du pays. Or, on prend ça avec précaution, mais des liens existeraient donc entre certains gaullistes et la pègre locale. Résultat, dans l'imaginaire des adversaires des gaullistes, il semble tout à fait normal que gaullisme égale banditisme. Et ça, c'est particulièrement marqué en Provence, même s'il y a aussi un tropisme dans les sources qui semble effacer le reste. Ça n'est pas propre à la Provence, ça n'est pas propre aux gaullistes. Il faut aussi souligner que dans les sources, on voit que dans certaines villes comme Bordeaux, le banditisme est visiblement avéré, puisque les gardes du corps de Gaulle, à Bordeaux, ont tous été recrutés par l'intermédiaire d'un propriétaire de cabaret, qui était connu par les services de police pour proxénétisme, et tous ces membres sont des adhérents du gaullisme qui sont inscrits au fichier du grand banditisme. Je passe parce que je vois que l'heure tourne quand même, j'essaie de tenir les délais. Dans les années 60, c'est assez intéressant parce que les sources sont plus nombreuses. Elles soulignent qu'il y a des liens visiblement très proches entre le sac et le banditisme. Alors encore une fois, il faut prendre des précautions parce que les sources n'évoquent que le sac, ce qui semble un peu étrange. Et elles parlent avant tout de la Provence, ce qui semble aussi assez réducteur. Donc là, on va ouvrir un peu nos horizons. Visiblement, à force de fréquenter certains établissements, des gaullistes auraient fini par créer certaines affinités avec des individus peu recommandables. Alors, je passe sur Marseille parce que c'est très connu. Il faut juste souligner que, d'après les gaullistes eux-mêmes, dans les archives internes, leur siège principal, qui est officiellement Runeau, n'est pas le plus fréquenté, puisqu'on les retrouve toutes les semaines chez Toto, hein, bar tenu par Philippe Pasqualini, trafiquant de drogue notoire. Et que, tout près de là, à Aix-en-Provence, le local se trouve officiellement dans le bar de Sauveur Padovani, un autre bandit local, hein, lui-même membre du SAC. Donc c'est au Paris-Nice, si ça vous intéresse, qui est toujours ouvert aujourd'hui et qui apparemment sert de lieu touristique. Voilà. Pour quitter la Provence, hein, élargissons nos horizons, Bordeaux, encore une fois, très célèbre, parce que Jacques Calès, le chef du SAC Aquitain, il a deux bars, celui du Grand Théâtre et du Grand Parc. Or, ceux-ci ne sont pas fréquentés que par le SAC, ils sont fréquentés par l'UJP, par le Parti gaulliste, par les CDR, bref, tous les gaullistes de Bordeaux et ses environs. Notamment un certain Jacques Chaban-Delmas, ce qui surprend à l'époque, parce que Jacques Calès, c'est un proxénète notoire. À Lyon, Jean Auger, qui est quand même pas n'importe qui, rassemble tous les membres du SAC dans l'un des bars de la ville qui lui appartient. À Grenoble, Mathieu Matty, cousin d'Alexandre Sanguinetti, qui est un ancien, en plus, du RPF isérois, devient dans les années 60 une figure d'appel local. Or, il dirige le parti et en même temps son business parallèle au Gobelet, un bar qui est très fréquenté et très apprécié des gaullistes de la région. Outre cela, on constate qu'avec les années 68, tout s'emballe. Du moins, d'après les sources, encore une fois. Ainsi, le SAC continue à voir sa réputation être fortement dégradée du fait de ses mauvaises fréquentations et de ses dérives. Par exemple, Joseph Signoli, gérant du bar parisien Le Consul, s'associe en 1971 avec Roger Bacry, qui est quand même inscrit au fichier de la lutte contre le banditisme, pour établir un long trafic de drogue vers les États-Unis dans le cadre de la French Connection. Le Consul, c'est également le bar le plus fréquenté du SAC de Paris, voilà, qui est en même temps, selon James Sarrazin, un lieu de recel de la drogue. Toujours à Paris, au bar belge, dans le 75 avenue de Saint-Ouen, y aurait eu des rencontres régulières entre le SAC, les RG et les malfrats locaux, bar qui est lui tenu par un membre de l'UDR. En dehors de la capitale, nous pouvons mentionner l'exemple du Fétiche Club à Neuilly-sur-Ain, qui est un cabaret tenu par le SAC. Hein. Il est tenu par un certain Hubert Sorba, et Sorba, c'est un malfrat qui collabore avec un policier corrompu, le chef de brigade anti-gang Javillier, et ensemble, ils vont carrément orchestrer un assassinat au Fétiche Club. Or, cet assassinat, il y a des membres du SAC qui participent. Autour, je précise, de la ripaille, hein, on mange, puis on assassine. Et ce même Sorba, il tient à Lyon, j'ai pris un exemple local, les écuries du roi, largement fréquentées par les gaullistes, puisqu'il y a même un certain député gaulliste, Édouard Charret, qui est connu pour être un client fidèle des écuries du roi. Or, les écuries du roi, elles sont connues pour être une maison de passe. Voilà. Et comme si ça ne suffisait pas, les adversaires d'Édouard Charret ne manqueront pas en 73 dans leurs affiches de rappeler à quel point sa fidélité va davantage aux écuries du roi qu'à sa propre famille politique. Ça a apparemment joué sur sa défaite. A noter par contre que la criminalisation de certains milieux chez les gaullistes et les bars, ça peut aussi se retourner contre les établissements en question. Les deux fameux établissements de Jacques Calès que j'avais évoqués à Bordeaux, ça se retourne contre lui quand un certain Jacques Chaban-Delmas accède à Matignon en 69. Très rapidement, les sources montrent que Chaban interdit les militants de se réunir dans les deux établissements qui étaient très fréquentés avant. Au point que, vu qu'il y a une désertion des gaullistes, Jacques Calès fait faillite au milieu des années 70. Ses deux bars doivent fermer parce qu'il a perdu sa clientèle. Donc ça peut se retourner contre eux. Les établissements de restauration et débits de boissons, ce ne sont pas seulement des lieux où on festoie, ce sont aussi des lieux qui peuvent paraître sacrés ou en tout cas extrêmement précieux et qu'il faut donc défendre. Là, j'en arrive à une partie qui m'intéresse particulièrement, puisque la violence militante, c'est quand même au cœur de mon travail, donc je vous fais une petite partie là-dessus, une sous-partie. Les militants vont parfois réaliser des actions, pas seulement verbales, mais aussi physiques. Le 12 novembre 1947, alors que le PCF et la CGT parviennent à mobiliser à Marseille des militants, enfin des milliers de mécontents, je veux dire, pas que militants, face à la forte augmentation des billets du tramway, ils attaquent des cabarets. Cabarets qui sont tenus par des malfrats que les communistes considèrent comme des repères gaullistes. Et il se trouve qu'il y a une ambiguïté parce qu'une partie d'entre eux sont effectivement des membres du RPF, mais pas tous. Les militants communistes vont d'ailleurs suite à la mort de Vincent Boulan, accuser ces fameux bandits, qui sont pourtant des hommes des frères Guérini, qui travaillent donc pour les socialistes. Hein. Bref, ils vont les accuser d'être, je cite, les gangsters du RPF à l'Assemblée nationale en 1948. Moins trouble, le témoignage de René Serre permet de relever la fréquence des affrontements qui pouvaient avoir lieu dans les bistrots ou alors à bord au début de la 4ème République. Parce que selon les mémoires de René Serre, croisade à coup de poing, ça s'invente pas, on a tout de même, toutes les semaines, des bagarres autour de restaurants et débits de boissons dans la plupart des villes qu'il va fréquenter entre 1947 et 1949, que ce soit Alger, Toulouse, Paris, Lille, Marseille et j'en passe. Donc c'est un phénomène global. La défense de ces espaces a lieu aussi lorsque des militants adverses vont s'approcher ou du moins, voire même, je veux dire, pénétrer les lieux. Cette présence, elle est jugée provocante par les militants qui sont des clients habituels et qui voient un lieu sanctuarisé qui a été profané en fait. Il y a une volonté d'expurger la présence des adversaires politiques de ces lieux. Je vous donne un exemple. Le 11 juin 1969, dans un café de Guingamp, des gaullistes s'y rendent leur bière après avoir collé des affiches. Lorsqu'une équipe de colleurs d'affiches poéristes s'assoit à la table voisine, alors qu'ils venaient de finir aussi de coller des affiches, les insultes commencent directement. Les gaullistes y ont vu une provocation, alors que les poéristes, visiblement, n'avaient pas pris conscience qu'ils avaient fait une provocation. Et très rapidement, le tenancier est obligé d'appeler la police parce que les tables et les chaises ont servi d'armes de projection. Les gaullistes, toutefois, je précise ici, n'ont jamais été inquiétés par la justice pour cette action. On a un autre exemple avec Alexandre Sanguinetti, et je ne m'attarde pas là-dessus sur cette sous-partie après, où Sanguinetti, en février-mars 73, mène des militants, ils sont 5, hein, du SAC ou des CDR, l'appartenance, c'est pas totalement sûr parce que les sources se contredisent, autour de l'avenue Albert Luttmann, dans un restaurant qui n'est jamais mentionné, hélas. À l'époque, ça devient un fief des gaullistes, qui était un ancien fief communiste à ce moment-là. Il y a une bascule entre la fin des années 60 et les années 70 autour de l'avenue Albert Luttmann. Et donc les gaullistes qui commencent à prendre le contrôle de ce lieu disent, voilà, c'est chez nous. Les communistes qui ont collé des affiches à 22h viennent vers ce bar puisqu'ils veulent manger et qu'ils estiment que c'est encore chez eux. Et donc les gaullistes disent, provocation, on prend la fourgonnette, on va essayer de les écraser. Ils ont échoué, je vous rassure, les communistes sont en vie, mais ils ont pris quelques coups au passage. Se défendre dans les établissements de restauration, ça passe aussi par... parce qu'il faut que je gagne du temps, ça passe aussi par, en fait, une action qui peut être plus violente, mais symboliquement. On n'est pas juste dans la bagarre physique entre individus, on peut être dans une action qui vise à atteindre l'intégrité plus que physique. Exemple, le garde Georges Davoine, qui était garde du corps du général de Gaulle au meeting de Vincennes en 1948, est le propriétaire de Pierre l'Aubergiste, un restaurant à Paris. Hein, et chez lui, en fait, était entreposé un arsenal qui remonte à la Résistance. Et cet arsenal, il l'avait entretenu et conservé pour éviter que le PCF ne fasse un coup d'État, selon ses propres déclarations à la police. Les gaullistes, souvent sous l'effet de l'alcool, vont donc parfois ourdir des complots contre des adversaires politiques. Parce qu'ils sont convaincus qu'en faisant cette action qu'ils ont mûrement, réfléchi après avoir quelques peu bu, se disent que c'est la meilleure des solutions, c'est on va attaquer quelqu'un. Exemple à Grenoble, 17 mars 72, trois colleurs d'affiches PSU sont attaqués après que des gaullistes se soient dit au restaurant Le Bon Coin, place Saint-Bruno, que tiens, si on allait attaquer ces individus, parce que c'est des sales gauchistes, je reprends leur expression. Ils assument totalement devant les policiers qu'ils ont arrêtés, et ils sont condamnés pour ça, qu'ils ont prémédité l'agression. Tout ça autour d'un verre. Plus dramatique, ce sera le dernier exemple de cette sous-partie, plus dramatique la tuerie d'Auriol. La tuerie d'Auriol est entièrement orchestrée à l'auberge chez grand-mère, à Nancy-les-Pins. La décision, elle est prise le 9 juin 1981, autour d'un bon plat chaud, pour reprendre la citation d'un témoin. Les conspirateurs agissent en plein jour, devant les clients de l'auberge. Personne ne les dénonce et personne n'est choqué d'entendre les individus parler d'un massacre, d'une famille. Massacre qui aura lieu. Et pour l'anecdote, si ça vous intéresse, quand la police recherche les criminels, alors qu'on recherchait le trésorier du SAC local, on trouve un autre cadavre, celui de Claude Castellanos, qui est un restaurateur, membre du SAC, qui était kidnappé dans son restaurant par des membres du SAC qui l'ont fusillé. Voilà. Comme quoi, ça ne fait pas bon ménage parfois. Pour terminer, et je termine vraiment, j'évoque en une minute dans cette sous-partie, il y a eu deux complots contre la 4ème République qui ont été ourdis par les gaullistes. Alors il y en a un dont l'existence est très douteuse, qui est évoqué par une source indirecte, Claude Payat, qui prétend l'avoir de Claude Dumont, hein, où en mai 54, il y aurait une tentative de coup d'État le 9 mai, qui aurait été orchestrée depuis un restaurant de la rue Marbeuf. Bon, ça c'est douteux, hein, vraiment. Mais un autre complot qui lui a vraiment eu lieu dans des restaurants, c'est le plan Résurrection, qui s'est tenue à Antibes, au restaurant des pêcheurs, où les antennes radio, relais radio avaient été installées, et il y avait une communication en direct qui était réalisée entre les gaullistes métropolitains et les putschistes. Notamment la prise de la Corse a été entièrement vue en direct par Archiduc. C'est son surnom. Donc je ne m'attarde pas là-dessus, je n'ai pas le temps. Je conclue. Lieu de sociabilité militante incontournable, les bars, restaurants et autres bistrots ont été rapidement investis par les gaullistes. Le fait qu'ils soient généralement tenus par des adhérents et des sympathisants ont facilité l'implantation d'antennes et la tenue régulière de réunions partidaires. Les rassemblements étaient motivés par des débats politiques, mais plus encore par la volonté de se retrouver entre compagnons, de rendre hommage aux leurs et de se remémorer le passé. Toutes les discussions n'étaient pas calmes, des disputes pouvaient éclater. Les bistrots servaient également d'espaces de rencontres parfois louches, pour ne pas dire criminels. L'habitude de se rendre aux mêmes endroits finit également par nourrir une certaine affection pour ces lieux, au point de s'en servir comme point de rendez-vous pour des conspirations et des affrontements politiques. Il faut qu'on relève qu'après 81, les néo-gaullistes continuent à fréquenter généralement les mêmes bars que leurs prédécesseurs. Je vous remercie pour votre attention, je m'excuse pour le dépassement.